Bonsoir Manu Larsonnet. Bonsoir monsieur. Vous avez l'air très excité ce soir. Je suis chaud comme la braise. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est la fin de la journée, bientôt je vais rentrer dans ma campagne. Donc je me languis de mon TGV et de ma campagne. Est-ce que vous êtes comme le héros de Retour à la Terre et du Combat Ordinaire, c'est-à-dire totalement pris de crise d'angoisse lorsque vous remettez un pied du côté de la grande ville? Non, je ne suis pas à ce niveau-là, mais c'est difficile de rester plus de 2-3 jours, voilà. J'ai vécu 30 ans en banlieue. Après, j'ai rompu complètement pour vivre complètement à la campagne. La deuxième partie est plus sympa. Voilà. Si les gens ont le choix, je conseille plutôt la seconde partie. Alors, faites-nous rêver. Où est-elle, votre campagne? À dans le Beaujolais. Mais toutes les campagnes sont plus ou moins sympas. Hein. Ce n'est pas tant la mienne qui est sympa. C'est juste une manière de vivre vraiment, vraiment pour le coup, différente. Vous y êtes fait à cette manière de vivre? Ou alors c'est encore Caruccio et les petits soucis avec les voisins, avec la mentalité, avec aussi vous-même? Je crois que quand on n'est pas né dans certains endroits, il est difficile de s'y inscrire. Mais je m'en fiche un peu parce que moi, je ne suis pas un être fondamentalement social. J'aime bien la solitude, j'aime bien la création solitaire. Donc, le pays me plaît, les paysages me plaisent, les oiseaux sont variés, ça me suffit amplement.